Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce dimanche dont voici les grands titres. Le Nord Kivu, situé à l'est de la RDC, est sous menace des rebelles à cause de sa richesse naturelle. Analyse du docteur en sciences politiques et relations internationales que vous allez suivre dans les détails de ce journal. Et c'est inconcevable que les caféiculteurs de deux pays reçoivent deux prix différents par kilo du café alors qu'ils ont un même marché d'écoulement, conviction du représentant légal de parole et action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités. Et la chronique nutrition de ce dimanche parle des bienfaits d'une betterave. Et voilà pour l'essentiel. À la cabine technique, vous êtes avec Anselme Mirambona. Au micro, c'est Vestine Boutoui. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal et par la page politique, la page sécurité, le Nord Kivu, à l'est de la RDC, regorge beaucoup de ressources naturelles. Cela suscite de la convoitise de la part de l'un ou de l'autre pays, d'où des mouvements rebelles soutenus par des pays profiteurs. Analyse de Guillaume Mendai Kengurutse, docteur en sciences politiques et relations internationales, et le fait que la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23. Cet expert précise que cela date de longtemps. Et pour que le Nord Kivu retrouve la paix, docteur Mendai Kengurutse conseille aux dirigeants de la communauté est-africaine dont la RDC est membre à prioriser la paix des habitants de cette région en souffrance par rapport à leurs intérêts personnels. On l'écoute. Cette région de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est une région très stratégique dans la mesure où c'est une région qui regorge de beaucoup de ressources naturelles qui peuvent être convoitées par l'un ou l'autre pays. Donc, parce que le format actuel des relations internationales ne permet pas qu'un État puisse entrer sur le sol d'un autre, sauf bien évidemment ce que nous sommes en train de voir entre la Russie et l'Ukraine, ce qui est exceptionnel. Ces États passent généralement par des mouvements des citoyens de l'État concerné. Donc ces mouvements sont en quelque sorte téléguidés par d'autres États étrangers. C'est pourquoi ce genre de processus de paix se retrouve en quelque sorte biaisé, handicapé par ce jeu d'intérêt entre les États et les mouvements qui sont entretenus par ces derniers. Et dernièrement, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir ce mouvement rebelle M23. Pourquoi et quelles sont les conséquences sur les relations entre ces deux pays? Depuis longtemps, il a été dit que le mouvement de M23 est soutenu par le Rwanda. Personnellement, je n'ai pas de preuves évidentes de cela. Quand il y a une guerre pareille, il y a une sorte de surenchère de deux côtés. Donc, on ne peut pas se fier à 100% à ce que dit l'un ou l'autre côté qui est aujourd'hui engagé dans ce conflit. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a une détérioration des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous avez appris, tout comme moi, que la RDC a suspendu tous les vols de la compagnie rwandaise vers son territoire, que l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa sera convoqué pour des explications. Et ça entre dans la droite ligne des événements qui ont déjà eu lieu depuis les années 97-98. Les deux pays n'ont pas arrêté de s'accuser mutuellement. Il y a surtout le Rwanda qui était depuis pointé du doigt comme quoi il serait derrière les attaques armées sur le sol de la RDC. C'est très grave dans les relations internationales lorsque un État accuse un autre d'attenter d'une manière ou d'une autre à son intégrité territoriale. Et l'insécurité à cette région nord-est du Kivu persiste au moment où la RDC vient d'intégrer la communauté est-africaine. Quel est le comportement que devrait être adopté par les dirigeants de cette communauté? Dans une logique positive, la question de la sécurité au niveau de l'est de la RDC est portée au niveau des mécanismes de l'EAC et elle est bien traitée. Et dans une logique, je dirais, moins positive ou négative, cette intégration ouvre la voie à des États qui ont des visées qui ne sont pas nécessairement licites sur le sol de la RDC. Et je pense que nous sommes aujourd'hui dans ce dernier cas de figure. Alors, c'est d'abord de mettre à côté leurs intérêts égoïstes et de penser à ces citoyens de l'Est de la RDC qui ont souffert et qui continuent à souffrir. Et une fois qu'ils se mettent à réfléchir à la place de ces populations, ils verront que leurs intérêts, aussi énormes qu'ils puissent être, restent secondaires par rapport aux intérêts de ces populations. Et en page de justice, un infirmier de l'hôpital de Boubanza, en cette même province, est dans la main de la police depuis ce vendredi. Il est accusé d'avoir violé quatre petites filles âgées entre 4 et 12 ans, selon leurs parents, qui les ont vite évacuées à l'hôpital. Et une fois prouvé sa culpabilité, les défenseurs des droits des enfants demandent que ce présumé auteur soit sévèrement puni. Spescaritas Kavanyana. C'est sur la colline Buhororo 2, à Matongé, tout près du chef-lieu de la province Bubanza, que ce crime a été commis selon les habitants de la localité. Un homme d'une quarantaine d'âge, selon la même source, est infirmier à l'hôpital de Bubanza, a violé à maintes reprises quatre jeunes filles de 4 à 12 ans, voisines au présumé auteur. Selon les témoins sur place, il les appelait une à une pour leur donner des beignets. Elle les conduisait jusque dans sa chambre où il les violait. Et par après, il interdisait à ses victimes de dévoiler ce qu'ils avaient subi. Et ce sont les autres enfants du voisinage qui ont révélé cela à leurs parents. Et les parents des victimes ont vite évacué ces enfants à l'hôpital. Et ils demandent que ce présumé auteur soit sanctionné. De même, au niveau du FENADEB Abumanza, défenseur des droits de l'enfant, il demande que ce présumé auteur soit puni conformément à la loi. Si sa culpabilité est prouvée. Spécialitas Kawanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h passé de 2 minutes au studio de la radio Isanganiro. Continuons ce jour d'aller par la page Bonne gouvernance. Et une différence des prix rémunérateurs du café entre le Burundi et les pays voisins est énorme, alors que le marché international du café, le même analyse de l'expert en économie et représentant légal de paroles et actions pour le réveil des consciences et évolution des mentalités. Faustin Dikouman a trouvé qu'il faudrait y avoir la réforme de la structure du café. Du café plutôt, afin de valoriser cette culture industrielle qui procure les devises au pays. Il intervient après que les caféiculteurs d'Okayanza aient révélé qu'ils préfèrent exporter clandestinement leur café au Rwanda à raison du prix élevé de 9 000 francs rwandais par kilo que leur propose contre 800 francs burundais par kilo. On l'écoute. Le problème réside dans la structure de la filière café. Quelle est la part, quel est le prix qui revient au producteur? Parce que c'est lui le détenteur du café. Dans 2008, il a eu des réformes disant que le caféiculteur est le détenteur de café qu'il a produit. Mais a vu que depuis que la structure de la filière n'est pas vraiment organisée de façon à que le prix rémunérateur de l'agriculteur, du paysan qui cultive le café, soit vraiment un prix rémunérateur, c'est pour cela qu'on assiste à un abandon progressif de la production. Parce que la différence de prix et une telle différence de prix est énorme. Alors que le café est vendu sur le marché international, c'est le même marché. Pourquoi on peut avoir une si grande différence entre les prix et qui rémunère les productions des cultivateurs du café, des caféiculteurs? J'imagine que le gouvernement du Burundi, avec la création de la nouvelle structure, ça veut dire qu'on a condensé tous les services d'amélioration, lavage, conditionnement ou quoi, ils sont contrôlés par une même structure de l'État. L'État n'est pas censé faire du commerce pour annoncer des guerres, essentielles pour le café, ce sont les devises qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc nous demandons qu'il y ait l'analyse, la refonte de la structure de la filière café pour voir comment vraiment rémunérer le producteur, c'est le détenteur du café. S'il nomme aujourd'hui, malgré la classe de cette nouvelle structure de carrière, la production du café cette année a chuté, lamentablement a chuté. Donc, on va que le paysan, il est rationnel, lui aussi, chaque individu, chaque agent économique est rationnel. Il dit, si le prix du café est celui-là, je pourrais m'intéresser à d'autres cultures vivrières comme le haricot ou quoi, parce que le prix est quand même plus rémunérateur que le prix du café. Alors que le café, c'est une culture qui exige des soins, mais qui exige beaucoup de temps en suivi, ça fatigue. Donc, en tout cas, vraiment, il faut analyser la structure pour améliorer. Sinon, la situation restera comme elle est aujourd'hui. Et en page économie, le ministère des Finances compte instaurer un système de facturation à l'aide des machines pour collecter les taxes. Ce système a été déjà expérimenté au sein de l'Office burundais des recettes OBR. Le ministre l'a évoqué en début de la semaine en cours lors de l'analyse du projet de loi portant règlement et compte rendu budgétaire pour l'exercice 2020-2021. Domitien Diokoubaï a précisé que ces machines de facturation seront implantées aussi dans les entreprises étatiques. Suivez-les, traduit en français par Moïse Misako. Au sein de l'Office burundais des recettes OBR, on y a mis des experts, ils sont à l'œuvre et le logiciel qui sera utilisé dans ce système a été déjà développé. Aujourd'hui, il y a presque 30 contribuables qui sont connectés et ont déjà trouvé que le système développé par l'OBR est efficace. L'étape suivante, c'est l'extension pour tous les contribuables. Au départ, l'on disait que c'est la machine de facturation pour la TVA. On a déjà dépassé cette étape. On est à l'étape de voir comment recenser tous les contribuables au sein de l'OBR pour que, à part la TVA et d'autres taxes, soient faciles à collecter. Mais, compte tenu du nombre des contribuables et le personnel que dispose l'OBR, ce n'est pas un système qu'on va instaurer demain. Mais cette opération avance progressivement. Ceux qui ont des machines de facturation vont basculer dans ce système. Pour ceux qui ne disposent pas ces machines, on est à la recherche de celles-ci, mais à des prix abordables pour faciliter les contribuables à acheter ces machines afin que tous les contribuables adhèrent dans ce système de facturation par machine. Ici, ce ne sont pas uniquement les commerçants, mais aussi les entreprises étatiques comme les hôpitaux, les centres de santé et les sites touristiques. Tous devront avoir ces machines de facturation afin de faciliter le contrôle des entrées. Au sein du ministère des Finances, il y a une stratégie unifiée des finances publiques en cours d'élaboration qui va nous aider dans le suivi. Ce système de facturation par machine sera inséré dans cette stratégie unifiée. Ce système de facturation par machine sera inséré dans cette stratégie unifiée. Ce ministre Domitien Diokoubaï sollicite son homologue de la santé à faire une étude des sociétés importatrices des médicaments qui ont bénéficié des exonérations si elles ne spéculent pas à la fixation des prix. Encore une fois, suivez-le. Dans le cadre de digitalisation de la stratégie unifiée des finances publiques, on va repenser sur la traçabilité de toutes les recettes. Maintenant, avec la machine de facturation qui sera dans chaque société, il sera facile de sortir une liste de toutes les sociétés exonérées et voir comment elles contribuent. Le contrôle est automatique. Concernant les prix des médicaments, c'est une étude que le ministère de la Santé publique devrait faire pour voir quelle quantité de médicaments importés, à quel prix, combien que l'État injecte à travers l'exonération et voir par après à quel prix sont vendus les médicaments et à quel prix ils devraient être vendus pour voir s'il n'y a pas de spéculation. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La betterave est un légume avec une grande valeur nutritionnelle. Elle contient nombre d'éléments importants pour l'organisme comme la vitamine A, C et plusieurs antioxydants qui permettent à réduire les risques de cancer. Gilbert Namoura, chercheur nutritionniste, explique que les sels minéraux et les vitamines qu'elle possède constituent des stimulants. Chronique nutrition avec Jean-Marie Mayonga. La betterave rouge est un légume riche en vitamines et sels minéraux qui contribue à prévenir le cancer et les maladies du cœur et des yeux. Le chercheur nutritionniste Jibé Nangwafi explique que la betterave rouge contient des antioxydants efficaces pour lutter contre les radicaux libres. Concernant ces bénéfices sur la santé de l'homme, elle renferme des antioxydants comme les bêta-carotènes, précurseurs de la vitamine A, les composés phénoliques comme les flavonoïdes, surtout concentrés dans la pérille. Elle renferme aussi des vitamines comme la vitamine C, des minéraux aussi comme le fer, le magnésium, sodium, potassium, calcium, zinc, iode, phosphore, cuivre, manganèse et d'autres. C'est un anti-hypertenseur aussi, c'est un détoxifiant, c'est selon Gilbert Langwafi, la betterave rouge stimule le système immunitaire et possède des antioxydants qui permettent à réduire le risque des maladies cardiovasculaires. La betterave rouge lutte contre les hypercholestérolémies. La betterave rouge lutte aussi contre le stress oxydatif. Elle stimule aussi le système immunitaire. C'est un aphrodisiaque. La betterave rouge renferme aussi d'autres antioxydants comme les bétaïnes, les bétanines, les zéaxanthines et la lutéine qui luttent contre le cancer et le vieillissement des cellules d'une façon précoce. La betterave rouge peut être consommée en salade ou en jus, selon Gilbert Langwahafi. On peut utiliser la betterave rouge sous forme de jus. On peut l'utiliser aussi en salade. On peut aussi l'utiliser comme légumes, comme les épinards. On peut aussi la transformer en sucre. La betterave rouge, appelée aussi betterave potagère, carotte rouge ou encore racine rouge, elle est originaire de l'Europe du Sud, connue comme légume depuis l'Antiquité. Ses feuilles servent aussi à l'alimentation du bétail. Merci Jean-Marie Mayonga et c'est par les détails de cette chronique nutrition que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anselmo Milan Bona pour la parfaite collaboration. Merci à l'équipe de la rédaction. Vestine Boutoué, j'étais à la présentation. Au revoir. Passez une bonne journée.